En Corée, les compétitions sportives pour le prix Sungun Ponghwa viennent d'être ouvertes. Les matchs de plus de 10 disciplines comme football, basketball, volleyball et ping-pong auront lieu partout dans le pays, notamment Pyeongsong, Saliwon et Hamon. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 13 au stade de Pyeongsong. Y ont pris part Park Tae-sung, président du comité du Parti du Travail de Corée pour la province du Pyongyang du Sud, les cadres intéressés, les sportifs ainsi que les travailleurs et enfants de la ville de Pyeongsong. La cérémonie terminée, il y a eu le match de football féminin entre les équipes de la province du Pyongyang du Sud et de la province du Jagang.